Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, merci de nous écouter tous les week-ends. Et aujourd'hui, eh bien, commençons l'émission avec Rossini. Pourquoi pas Rossini, Gioachino Rossini, évidemment l'un des grands noms de l'histoire de l'opéra. Mais il a aussi commis quelques péchés de jeunesse, pour reprendre une expression à propos de ses dernières pièces où il parlait de péchés de vieillesse. Et ces péchés de jeunesse à Rossini, ce sont des sonates pour cordes particulièrement inspirées. On le retrouve, son goût pour les thèmes légers, aériens. Et ce sont des œuvres évidemment très intéressantes parce qu'elles témoignent de l'extraordinaire technique musicale de composition qu'avait déjà Rossini très jeune. Et ce sont toujours des œuvres très agréables à écouter. Alors je vous propose le premier mouvement de la première sonate, tout simplement, joué par les cordes de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigé par Sir Neville Mariner. Thank you. Le premier mouvement de la première sonate pour cordes de Gioachino Rossini avec les cordes de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigée par Sir Neville Mariner. Une remarquable prise de son, hein, parce qu'on entend très très bien les contrebasses, ce qui n'est pas toujours le cas dans les enregistrements de ces sonates pour cordes de Rossini. Alors, Mendelssohn, lui aussi, a commis des péchés de jeunesse en composant des symphonies pour cordes. Et Mendelssohn, dès ses premières années, dès sa jeunesse, il a été confronté à l'antisémitisme. Il était né en 1809. Et Mendelssohn, la famille de Mendelssohn, s'est fait appeler Mendelssohn-Bartholdy parce qu'elle s'était convertie au protestantisme, justement à propos de l'antisémitisme. Et Mendelssohn, d'ailleurs, à l'époque nazie, fut interdit. On ne jouait plus les œuvres de ce compositeur, y compris le concerto pour violon. L'opus 64, il en a composé deux. Il y en a un qui est beaucoup plus célèbre que l'autre. Et ce concerto pour violon de Mendelssohn n'était plus joué sous l'ère nazie. On l'avait remplacé d'ailleurs par le concerto pour violon de Schumann, parce qu'il fallait quand même bien un grand concerto romantique au répertoire des violonistes allemands, enfin austro-allemands. Et évidemment, le concerto de Schumann, pour être de Schumann, n'est quand même pas de la même qualité que celui de Mendelssohn. Alors donc Mendelssohn, chef d'orchestre qui a travaillé à Leipzig, au Gewandhaus de Leipzig, et qui a permis la résurrection de Jean-Sébastien Bach, qui était connu évidemment des initiés, mais très peu joué depuis sa mort. Et il a commencé à diriger donc notre Mendelssohn des extraits de la Passion selon saint Matthieu, différentes compositions de Bach, qui l'ont aussi parfois influencé, notamment dans ses oratorios, mais pas du tout dans ses compositions romantiques. Alors voici le début de ce très célèbre concerto pour violon opus 64 de Mendelssohn, joué par Midori, violoniste américaine d'origine japonaise, qui est la soliste, et puis l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Maris Jansson. Thank you. C'est un extrait, le début du concerto pour violon de Félix Mendelssohn avec Midori au violon et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Marie Sionson. Allez, on continue avec Gershwin. Gershwin, qui était issu d'une famille qui avait fui les pogroms en Russie, famille juive, et il a un peu appris la musique en autodidacte, ça lui a été parfois reproché. Lui-même en souffrait beaucoup de ce reproche. Il a composé bien sûr des comédies musicales, des chansons avec son frère Ira qui écrivait les lyrics, et puis connu pour la Rhapsody in Blue, avec son vertigineux solo de clarinette au tout début de l'œuvre, le glissando, le fameux glissando redouté de tous les clarinettistes, et puis un Américain à Paris bien sûr, Porgy and Bess, son opéra, et concerto en fa, vraiment beaucoup d'œuvres intéressantes chez Gershwin, qui est probablement d'ailleurs le premier compositeur authentiquement américain. Et on va le retrouver dans une œuvre pour piano et orchestre, les variations sur I Got a Rhythm, qui est une chanson à l'origine de George Gershwin. Et on va écouter donc un extrait de ces variations sur I Got a Rhythm, joué au piano par Jean-Yves Thibaudet. Le Baltimore Symphony Orchestra est dirigé par Marin Alsop. Thank you. Un large extrait des variations sur I Got a Rhythm de George Gershwin, avec au piano Jean-Yves Thibaudet et le Baltimore Symphony Orchestra, est dirigé par Mary Nalsop. Alors peut-être avez-vous vu qu'il y a eu des manifestations wokistes contre une œuvre de Ponchielli pour en empêcher la représentation, c'était aux États-Unis. Cette œuvre, c'est la Gioconda, où il y a la fameuse danse des heures qui figure dans Fantasia, dans le dessin animé Fantasia des années 40. Et dans ce dessin animé, on découvre ce ballet dansé par des hippopotames en tutu. Et ça n'a apparemment pas plu du tout à des groupes de pression qui ont dénoncé en tout cas la grossophobie, la stigmatisation des obèses à travers ce dessin animé. Donc il faut jeter évidemment avec l'œuvre de Ponchielli. On va écouter un extrait de cet opéra d'Amilcare Ponchielli, La Gioconda. Ça se passe à Venise au Moyen-Âge. C'est une sombre histoire de dénonciation, de vengeance sur une intrigue amoureuse. Et donc cet opéra est très célèbre pour un air suicido, où l'héroïne pressent qu'elle va devoir mettre fin à ses jours. Outre, bien sûr, ce ballet des danses des heures, qui est très souvent joué, d'ailleurs, en dehors de l'opéra en lui-même, joué au concert. Allez, voici cet air Suicido, chanté par Anna Netrebko, l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, et dirigé par Antonio Papano. Sul cielo di Un air tiré de la Gioconda d'Amilcare Ponchielli avec la voix d'Anna Netrebko, soprano, et puis l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, direction Antonio Papano. On va retrouver notre rubrique des sonates de Beethoven, puisque vous le savez, dans nos émissions, au fil de nos émissions, je vous présente les 32 sonates pour piano de Beethoven, et nous en sommes à la sonate numéro 18, parfois surnommée La Chasse, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. C'est un titre qui est apparu parfois, mais rarement finalement. Donc 18e sonate qui est la troisième d'un triptyque publié vers les années 1800-1801, l'opus 31 du compositeur, et on va l'écouter, enfin tout au moins écouter un mouvement de cette sonate, le final presto con fuoco, joué par ce grand pianiste qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, à qui j'avais rendu hommage, Maurizio Pollini, qui a laissé une très très belle intégrale des sonates pour piano de Beethoven, c'est chez Deutsche Grammophon. Le final de la 18e sonate La Chasse, dite La Chasse, bon, on peut oublier quand même ce sous-titre, hein, je le dis comme ça, donc l'opus 31 numéro 3 de Beethoven, joué par Maurizio Pollini. Et on continue avec Mozart et ses concertos pour corps. Il en a laissé 4, enfin 4 nous sont parvenus. Il les a composés pour l'essentiel pour un certain Joseph Luitgeb, qui était corniste dans l'orchestre de Salzbourg, l'orchestre de l'archevêque Colloredo. Et ce Luitgeb était vraiment un ami très proche de Mozart, qui aimait beaucoup le chambré, on le sait par les lettres qu'il écrit à ce musicien. Il aimait beaucoup se moquer de lui, gentiment quand même, hein, il le harcelait pas. Et puis, donc, Luitgeb était également marchand de fromage, voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais il a laissé donc des concertos tout à fait virtuoses, très appréciés, bien sûr, des cornistes, parce qu'ils n'ont pas tant que ça de concertos pour leur instrument. Il y a ceux de Mozart, ceux de Richard Strauss, quelques autres. Mais enfin, le répertoire est assez limité en ce qui concerne les concertos proprement dédiés au corps. Alors, on va écouter le premier, tout simplement, l'allegro du premier concerto pour corps que chez le 412, joué au corps par David Jollet, et l'Orpheus Chamber Orchestra entoure ce corniste qui fait partie donc de cet orchestre américain qui jouait sans chef. Thank you. Allegro du premier concerto pour corps que chez le 412 de Mozart avec David Jolet au corps et puis l'Orpheus Chamber Orchestra. Bah ça sonne bien, hein, il joue bien ce corniste merveilleux. Allez, on continue avec du Stravinsky. Stravinsky, le scherzo à la russe, enfin pas vraiment à la russe parce que c'est sous-titré, donc pour orchestre de jazz. C'est pas très jazzy, hein, je le précise tout de suite parce qu'on a écouté Gershwin tout à l'heure qui lui avait vraiment le jazz dans le sang et savait manier cette musique et la mélanger à la musique classique. Là, on en est loin avec Stravinsky quand même. Hein. Enfin, c'est une œuvre qui est charmante aussi, qui a ses qualités. Alors voici ce scherzo pour orchestre de jazz d'Igor Stravinsky, joué par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Bernard Haitink. Thank you. Le scherzo pour orchestre de jazz, pas vraiment jazzy je trouve, mais enfin toujours intéressant avec Stravinsky. Il y a comme ici ou là quelques aspects proches de Petrouchka, de son ballet Petrouchka. C'était joué par l'orchestre philharmonique de Berlin, direction Bernard Haitink. On part vers la musique baroque maintenant avec Georg Friedrich Händel et ses feux d'artifice, là composés pour commémorer le traité d'Aix-la-Chapelle, la paix, en 1748. Alors l'œuvre fut donnée l'année suivante dans une grande fête nocturne l'été, organisée à Green Park, près du palais de Buckingham, et évidemment l'occasion de faire tirer un feu d'artifice et d'écouter cette musique où les cuivres, là aussi, sont très très présents. Alors voici la réjouissance tirée des feux d'artifice royaux de Georg Friedrich Händel par l'Orpheus Chamber Orchestra. La réjouissance tirée des feux d'artifice royaux de Georg Friedrich Händel avec l'Orpheus Chamber Orchestra. Candide n'est pas l'œuvre la plus célèbre de Leonard Bernstein, puis évidemment c'est West Side Story, mais Candide quand même, grâce à son ouverture, est régulièrement jouée, en tout cas l'ouverture est très souvent jouée au concert. Alors c'est une œuvre qui date des années 50, et le choix d'un argument voltairien, si je puis dire, n'est pas laissé au hasard, car Bernstein voulait, à travers cette œuvre, protester contre le maccartisme, vraiment cette intolérance, cette inquisition d'État qu'était le maccartisme. Et voilà, donc il était souvent la cible justement d'attaques considérées comme étant de gauche, favorables aux minorités. Bref, c'était compliqué pour Bernstein à cette époque-là aux États-Unis, et pas que pour lui d'ailleurs. Donc il a un petit peu, il a voulu illustrer musicalement cette période difficile avec cette œuvre de Voltaire, Candide, qu'il a mis en musique dans une comédie musicale. En voici l'ouverture très tonique, jouée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Sir Simon Rattle. L'ouverture de Candide de Leonard Bernstein, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Sir Simon Rattle. Et on va terminer l'émission avec Dvorak. Dvorak et sa 8e symphonie, parfois surnommée anglaise parce qu'elle avait eu beaucoup de succès au Royaume-Uni. Alors Dvorak, il est né en 1841 dans la partie bohémienne de l'Empire de Habsbourg. Je vais m'abstenir d'essayer de prononcer le nom de sa ville natale parce que c'est très difficile. Et Dvorak, ben bien sûr, c'est l'un des grands compositeurs des pays tchèques, à une époque d'ailleurs où ses compatriotes essayaient de se soustraire à l'influence des compositeurs autrichiens ou de culture allemande. La vie de Dvorak fut parmi les plus heureuses, mais bien sûr, il y a eu les troubles historiques dont il fut le témoin, mais quand même, bon, sa vie est celle d'un artisan de la musique, en quelque sorte. En tout cas, quelqu'un de très consciencieux et qui jouait de nombreux instruments, d'ailleurs, en virtuose. Évidemment, le grand public le connaît surtout pour sa Symphonie du Nouveau Monde, son opéra féerique Rusalka et puis le concerto pour violoncelle, qui peut être d'ailleurs considéré comme son testament musical. On va retrouver donc Dvorak, sa 8e symphonie, le 3e mouvement, inspiré évidemment, comme souvent pour les 3e mouvements des symphonies de Dvorak, par des mélodies populaires tchèques. Allegretto Grazioso de la 8e symphonie d'Antonin Dvorak, interprété par l'Orchestre Symphonique de Londres, direction Antal Dorati. Bien voilà, c'est terminé pour ce matin. On se retrouve demain à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Alors à demain!